Marcel, venez. Les cours du Collège de France, Antoine Compagnon. Étude, essai, roman. Étude, roman, essai. Vous avez vu cet homme ? Proust, essayiste. Vous voici conviés cet été à une recherche en marche en compagnie d'Antoine Compagnon. Meryl Moneghetti. Quel est le drame de l'écrivain moderne écartelé entre l'essai philosophique et le roman ? Comment peut-on concilier l'imagination artistique et l'esprit scientifique ? Et que vient faire la définition de Jules Renard de l'humoriste, qualifié d'homme de bonne mauvaise humeur, dans la grande enquête d'Antoine Compagnon sur Proust essayiste ? Spécialiste de Montaigne et de Proust, Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, traque et étudie le modèle de l'essayiste chez Marcel Proust depuis plusieurs cours, à la fois dans le cadre et en dehors de sa grande fresque romanesque, À la recherche du temps perdu. Antoine Compagnon, historien et critique de la littérature, nous entraîne donc dans une sorte de généalogie autour des termes essayiste et essayisme entre la Grande-Bretagne, où nous découvrons la figure de Macaulay, et la France, où il interroge tour à tour les trois modèles d'essayistes pour Marcel Proust, que sont Gérard de Nerval, l'ambigu, Ralph Waldo Emerson et ses morans frivoles, et Hippolyte Taine et ses heures fécondes de flânerie. Alors pourquoi faut-il flâner pour trouver ? Gagnons le Collège de France le 5 février 2019, aujourd'hui, fantaisiste, réaliste, essayiste. Aujourd'hui, je voudrais concentrer mon attention autour de ce terme d'essayiste lui-même. Et vous vous souvenez que lorsque j'avais cité Émile Faguet à propos de Balzac, Émile Faguet faisait à Balzac le reproche de se comporter en essayiste dans ses romans, c'est-à-dire en intervenant, en faisant ce qu'il appelait des dissertations ou des conférences. C'est dans le texte de Faguet publié en 1887. Ce matin, je me suis dit que j'allais vérifier ce qu'il disait dans son livre sur Balzac, qui date de 1913. Le passage est reproduit, mais il n'emploie plus le terme d'essayiste. Il dit simplement que Balzac fait des soutenances, des digressions, des excursus, des parabases. Il intervient par des parabases comme le coryphée dans son roman. Mais il ne le traite plus d'essayiste cette fois. Cela nous fait voir que dans ce moment, 1913, pour Faguet, le terme d'essayiste n'est pas courant dans la langue française. N'oublions pas que c'est un néologisme qui vient de l'anglais. Cela vient du periodical essay et s'est très lentement installé au XIXe siècle. Donc quand on qualifie Proust d'essayiste, je me demande si ce n'est pas un anachronisme. Il faut faire très attention maintenant, parce qu'on est accusé d'appropriation. Il faut restituer. Alors, je ne voudrais pas commettre trop d'anachronismes en qualifiant Proust d'essayiste. De nombreux ouvrages sont intitulés « Essais ». Cela vient toujours de l'anglais, mais Stendhal est l'un des premiers à présenter son livre de l'amour comme un essai sur l'amour, et c'est seulement en 1842, dans la troisième préface. Et c'est intéressant parce que il le qualifie de physiologie de l'amour ou d'essai sur l'amour. Les experts du genre de l'essai, et je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup en ce moment, au premier cours, je vous avais montré cette très longue bibliographie sur le genre de l'essai, font remonter le terme d'essayiste à 1842, justement. Et c'est chez Théophile Gautier, à propos de William Hogarth, le peintre et caricaturiste. C'est une visite à la National Gallery de Londres qui est relatée dans Une journée à Londres. C'est une chronique fantaisiste publiée dans la Revue des Deux Mondes, c'est une revue qui a pour fonction de raconter des voyages, du 15 avril 1842. Puis cette chronique est recueillie par Gautier dans le petit volume qui s'appelle Zigzag, justement. Puis republié ensuite sous le titre « Caprice et zigzag », Donc ça nous montre bien que la configuration dans laquelle le mot d'essayiste apparaît en français, du côté de la fantaisie, du côté du caprice et du zigzag. Et Gautier écrit « S'il fut jamais un peintre selon le cœur des moralistes et des utilitaires, assurément c'est Hogarth ». Autrement dit, la peinture d'Hogarth, c'est de la peinture de moraliste, c'est de la peinture à thèse. Tout dépend dans cette peinture de l'idée à faire passer et le résultat, dit Gautier, cela fait de la peinture abominable, bonne pour des Quakers, des Wesleyens, des méthodistes et des anabaptistes, sans aucun rapport ni avec le dessin ni avec la couleur. Autrement dit, ce n'est pas de la peinture, c'est de la littérature. On y apprend tous les inconvénients des ménages mal assortis. Et il pense à cette grande série qui est à la National Gallery, puisque c'est un voyage à la National Gallery, le mariage à la mode. Voici la première de la série de 6 sujets moraux modernes, très répandus par des estampes. J'évoquais la semaine passée l'estampe que Proust avait achetée, le Tu Marcellus Eris. Bien, dans le lot que Proust avait acheté en 1910, il y avait aussi deux planches de Hogarth de 1735 et 1755. On ne sait pas très bien pourquoi Proust a acheté ces gravures, sans doute pour en faire des cadeaux à des amis. En tout cas, il avait acheté en 1910 ce genre de gravure de Hogarth. Vous voyez que ce n'était pas un éloge lorsque Gautier allait qualifier Hogarth d'essayiste. Quand il conclut, il nous semble qu'Hogarth n'a pas marché dans sa voie et s'est trompé de vocation. Cela arrive plus souvent qu'on ne croit. La plume lui convenait mieux que le pinceau. Il aurait été un remarquable essayiste, un parfait écrivain de mœurs. Hogarth était donc plus écrivain que peintre. Bon, si on se souvient des cours que j'avais fait sur Baudelaire, dans les caricaturistes français et étrangers, les textes de Baudelaire sur la caricature, c'est 45-46, et il s'en prend également aux caricaturistes qui sont trop littéraires. Vous vous souvenez, c'est Gavarni qui est condamné par opposition à Daumier. Gavarni, c'est trop littéraire. Et de Hogarth, eh bien, Baudelaire disait la même chose. Baudelaire disait qu'il était un moraliste avant tout. Et il disait, pour le spectateur, j'allais, je crois, dire pour le lecteur. Voilà de la peinture que l'on lit au lieu de la regarder. Et cela a pour résultat que Baudelaire, comme Gautier, la condamne. Et vous voyez que l'essayiste, c'est donc l'écrivain de mœurs, le moraliste utilitaire. Jules Janin, dans l'introduction des Français peints par eux-mêmes, en 1840, c'est toujours le même moment, pour faire valoir que désormais l'entreprise du moraliste doit être collective, on ne peut plus procéder comme la Bruyère dans le monde moderne qui est devenu trop compliqué, Jules Janin écrivait « Maintenant, comment donc le même moraliste, le même écrivain de mœurs, pourrait-il pénétrer dans toutes ces régions lointaines dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni la coutume ?» Vous voyez qu'il y a donc bien une équivalence entre essayiste, moraliste, physiologiste, écrivain de mœurs. Tout ça veut dire à peu près la même chose avec cette addition chez Gautier de l'utilitarisme. En vérité, l'emploi d'essayiste en français est plus ancien que ce qu'avancent les experts. Et je me suis dit que puisque cela venait de l'anglais, il fallait regarder dans la Revue britannique. La Revue britannique, c'est la grande revue qui est fondée en 1825 et qui traduit les revues anglaises. Puisque le mot vient de l'anglais, du Periodical Essays, sans doute fallait-il chercher là pour trouver des occurrences antérieures, notamment à Gautier et à 1842. Et je l'y trouve dès 1830. Donc les débuts de cette revue, on commence à parler d'essayiste dans un article intitulé, bon, c'est la traduction d'un article de l'Edinburgh Review, c'est la grande revue, la revue qui a introduit le genre en français, Esprit de la société en France et en Angleterre en décembre 1830. Et voici l'article qui porte sur cette naissance de l'essayisme en Angleterre. Sous le règne d'Anne, la nombreuse famille des essayistes. Et vous voyez que le mot figure en italique avec un appel de notes, définition des essayistes, auteurs d'essais périodiques, Johnson, Steele, Hawksworth, Swift, Goldsmith, Armstrong, Walpole, Pope, Canning, Hazlitt, dans ces derniers temps ont enrichi de leurs essais cette branche féconde et curieuse de la littérature anglaise. C'est bien étranger. Cela n'appartient pas à la littérature française. Et dans un autre article, un peu plus tard, de la même revue britannique, ce qui est traduit, c'est un portrait de Macaulay, qui est le type même de l'essayiste. S'il y a un modèle de l'essayiste anglais, c'est Macaulay, qui a été poète, historien et homme politique. Et Macaulay, c'est donc l'essayiste par excellence. Et voici un autre article de la même revue, donc sur Macaulay, où on voit la revue britannique a successivement traduit, donc elle a traduit beaucoup des essais de Macaulay, l'essai sur Bacon, l'essai sur Machiavel, l'essai sur Lord Clive, l'essai sur Milton, l'essai sur les deux Walpole, etc. Et cela suppose aussi un appel de notes. C'est ce mot d'essai donné en Angleterre aux grands articles de revue qui a fait créer le terme d'essayiste, dont notre terme de critique n'est pas toujours équivalent. Mais vous voyez que ça, c'est dans les années 1830, et cela nous fait penser, en effet, au modèle des grands portraits de Sainte-Beuve, des portraits littéraires, des portraits contemporains. S'il y a un modèle, c'est celui des revues britanniques, et c'est donc celui de l'essayiste anglais, notamment Macaulay. J'ai encore trouvé ce terme d'essayiste dans un endroit très intéressant, qui est une recension d'un dictionnaire. C'est un dictionnaire célèbre du français, c'est le dictionnaire de Noël et Carpentier, qui date de 1831 et qui est intitulé « Philologie française » ou « Dictionnaire étymologique », etc. Et dans un compte-rendu du Journal des débats, l'auteur du compte-rendu dit qu'il y a un certain nombre de mots qui manquent dans ce dictionnaire. Plusieurs mots nouveaux que les auteurs du dictionnaire auraient pu admettre. Et par exemple, il cite le mot « touriste ». Il dit « on devrait dire touriste et non voyagiste ». Et après avoir cité « touriste » qu'il préfère à « voyagiste », l'auteur de ce compte-rendu poursuit en disant « nous pourrions citer encore le mot « artistique » qui s'est introduit récemment, copié sur l'anglais, qui nous semble barbare. Le mot « artiste » sous la forme de l'adjectif, un adjectif, artiste. Nous pourrions citer artiste, une âme artiste, un esprit artiste, bien avant l'écriture artiste des Goncourt. Essayiste, écrivain d'essai, mot emprunté aux Anglais. Et cet article est signé dans le Journal des débats C.S. Philaret Chal, l'un de mes prédécesseurs au Collège de France, professeur de littérature comparé et traducteur de Shakespeare. De nouveau, c'est un intérêt pour les anglicistes, pour la littérature anglaise. Il a séjourné en Angleterre après 1830, si mes souvenirs sont bons, et il est l'auteur d'ouvrage sur le XVIIIe siècle en Angleterre, « Études humoristiques », Histoire humoristique des humoristes. Et voilà un autre terme qui est donc très important, celui d'humoriste. Là aussi, difficilement traduisible, qui vient de l'anglais et qui nous donne une autre référence pour ce qu'est un essayiste au XIXe siècle et jusqu'à Proust. Un essayiste Un autre synonyme, c'est donc humoriste, en référence à l'humeur plutôt qu'à l'humour. L'humoriste, c'est l'écrivain qui se laisse aller au gré de son humeur, qui suit son humeur. Et le modèle, ben, c'est donc Macaulay. C'est à ce moment-là que l'on découvre Nerval. Nerval utilisant le terme, c'est dans les Nuits d'octobre, publié en 1852, dans l'illustration. Les Nuits d'octobre, c'est un récit de voyage, hein. C'est du tourisme. Ça commence à Paris, où on explore les différents estaminets, et puis il se déplace dans le Valois et cela vire justement à la fantaisie. Et il fait un cauchemar. Il est en prison à Crépy en Valois parce que, au cours de cette pérégrination, il est sans passeport. Et on l'enferme en prison puisqu'il est... il n'a pas ses papiers. Et dans ce cauchemar de prison, il se retrouve devant un tribunal qui est composé de Nisard, Cousin et Guizot, les critiques académiques. Et voici le cauchemar. Sur une table étaient étendus plusieurs numéros de magazines anglais et américains. Mais que le contexte est bien celui de l'anglicisme. Et une foule de livraisons à jour à 6 pence, où apparaissaient vaguement les noms d'Edgar Poe, de Dickens, d'Ainsworth, etc. Et 3 figures pâles et maigres se dressaient à droite du tribunal, drapées de thèses en latin imprimées sur satin, où je crus distinguer ces noms, Sapientia, Ethica, Grammatica. Les 3 spectres accusateurs me jetaient ces mots méprisants, fantaisiste, réaliste, essayiste. Je saisis quelques phrases de l'accusation formulées à l'aide d'un organe qui semblait être celui de M. Patin, autre académicien. Du réalisme au crime, il n'y a qu'un pas, car le crime est essentiellement réaliste. Le fantaisisme conduit tout droit à l'adoration des monstres. L'essayisme amène ce faux esprit à pourrir sur la paille humide des cachots. On commence par visiter Paul Niquet, l'estaminet des Halles. On finit par se faire arrêter à Crépy pour cause de vagabondage et de troubadourisme exagéré. J'essayais de répondre, j'invoquais Lucien Rabelais, Erasme et autres fantaisistes classiques. Je sentis alors que je devenais prétentieux. Vous voyez qu'il y a les accusations contemporaines qui sont celles de réalisme, le réalisme qui est nouveau, de fantaisisme et d'humorisme, tout ça avec essayisme, qui est peut-être moins familier, mais on a cette dimension transgressive, expérimentale, et il me semble que le mot a pris au sens français que Nerval lui donnait ici, c'est Nerval qui est l'essayiste. Par exemple, pour Champfleury, qui même avant ce texte des Nuits d'octobre, qualifiait déjà Nerval d'essayiste en 1849, dans un portrait de Nerval. Comme homme, Gérard est un excentrique. Comme littérateur, Gérard est un essayiste. Et ensuite, la comparaison est bien anglaise. Le modèle, c'est Charles Lamb, doux écrivain anglais. En lisant quelques fragments de l'humoriste anglais, donc vous voyez tous les termes, humoriste, fantaisiste, essayiste, excentrique. Et la note qui est plus tardive, elle est ajoutée lorsque Champfleury reprend son article en volume pour préciser pourquoi il comparait Nerval à Charles Lamb, humoriste et fantaisiste. Eh bien, il n'avait pas osé dire en 1849 ce qu'il dira après la mort de Nerval, que Charles Lamb était fou, enfermé dans une maison de fous. Et c'est ce qui justifiait à ses yeux cette comparaison implicite. Plus tard, Champfleury récidivera, il traite encore Gérard de Nerval d'essayiste. C'est dans un texte bien plus tardif, en 1883, mais c'est un texte intéressant. Gérard fut un des rares humoristes sincères. On voit tous les termes. Il est ce que les Anglais ont classé sous la rubrique d'essayiste, mais il est le seul vrai essayiste français. Les dictionnaires le classeraient sous la rubrique de polygraphe. Et vous voyez aussi, c'est un peu plus loin, le mot de papillonne, la papillonne commune aux humoristes. L'essayiste, c'est celui qui papillonne. Et on a là toute une série donc, de termes intéressants qui nous montrent bien la déclinaison du paradigme de l'essayiste, fantaisiste, excentrique, humoriste, polygraphe, papillonne. En français, l'humoriste, j'ai trouvé la meilleure définition dans le journal de Jules Renard. Il dit « L'humoriste, c'est un homme de bonne mauvaise humeur. » Et on a dans la mauvaise humeur cette idée de colère, de ressentiment. Il est en colère avec le monde, mais en même temps, il est capable de rire de soi. Donc la bonne mauvaise humeur, c'est au fond la caractéristique de l'humoriste et de l'essayiste. Voilà la configuration de l'essayiste français au temps du jeune Proust. Et je crois que cela nous permet de mieux comprendre ce qu'il dit de Nerval dans les cahiers Sainte-Beuve, dans le contre Sainte-Beuve, puisqu'il s'intéresse à cette ambiguïté de Nerval. C'est quelque chose qui dérange Proust, ce papillonnage, cette polygraphie, parce que quand on veut écrire, il faut écrire dans un genre déterminé. Et voici ce qu'il dit de Nerval dans le contre Sainte-Beuve. Or, il n'y a nullement solution de continuité entre Gérard, poète, et l'auteur de Sylvie. On peut même dire, et c'est évidemment un des reproches qu'on peut lui faire, une des choses qui montre en lui tout de même l'auteur, sinon de second ordre, du moins sans génie vraiment déterminé, il n'a pas de théorie, Nerval, hein, il n'a pas de... C'est toujours cette idée que Proust voudrait qu'il y ait une préconception de l'œuvre, hein, sans génie vraiment déterminé, créant sa forme d'art en même temps que sa pensée, que ses vers et ses nouvelles ne sont, comme les petits poèmes en prose de Baudelaire et les fleurs du mal, par exemple, que des tentatives différentes pour exprimer la même chose. Chez de tels génies, la vision intérieure est bien certaine, bien forte, mais maladie de la volonté ou manque d'instinct déterminé, deuxième fois que ce terme de déterminé intervient, il y a indétermination chez Nerval ou chez Baudelaire, prédominance de l'intelligence qui indique plutôt les voies différentes qu'elle ne passe en une, on essaye en vers. On essaye, voilà le mot « essai ». On essaye en vers, puis pour ne pas perdre la première idée, on fait en prose. C'est dans le cahier 5 des cahiers Sainte-Beuve, et vous voyez ce grief contre Nerval et contre Baudelaire, qu'ils ne sont pas des écrivains dans un genre déterminé, qu'ils ont essayé plusieurs fois en vers et en prose. Et Gérard dit Proust dans ce cahier, « Peut-être y a-t-il encore un peu trop d'intelligence chez lui. » Il y a aussi ce procès de l'intelligence qui fait qu'il n'arrive pas à se déterminer. Tout ça, vous voyez, est intéressant pour comprendre ce que c'est qu'un essayiste à ce moment-là. Charlus, dans La Prisonnière, demande au narrateur, chez les Verdurin, d'intervenir auprès de Bergotte pour obtenir un article de lui, de Bergotte, sur les proses de Morel. Morel, le violoniste, s'est mis à écrire. Et voici ce que dit M. Charlus. « Vous savez, les illustres ont souvent autre chose à penser. Ils sont adulés, ils ne s'intéressent guère qu'à eux-mêmes. Mais Bergotte, qui est vraiment simple et serviable, doit faire passer aux Gaulois, ou je ne sais où, ces petites chroniques moitié d'un humoriste et d'un musicien qui sont vraiment très jolis, et je serais vraiment très content que Charlie ajoute à son violon ce petit brin de plume d'ingre. » Et on a donc une allusion à ces petites chroniques. Les chroniques, il y a toujours ce petit de Proust, le petit essai qui sauve. Moitié humoriste, moitié musicien. Il y a même une répétition un peu plus bas dans la page, hein, c'est une page qui n'est pas vraiment achevée, où Proust parle de ces sortes de chroniques moitié humoristiques sur la musique. Donc il y a la dimension musicale, qui est celle de la variation ou de l'étude, et la dimension humoristique qui caractérise ces petits essais. Le modèle, c'est donc Nerval, mais bien sûr, il y a d'autres essayistes dans la jeunesse de Proust qui sont les prototypes de ce modèle d'écriture, de ce type d'écriture. Bon, j'ai dit, c'est Macaulay qui est partout cité, et puis Lamb, Charles Lamb, que mentionnait Champfleury. Malheureusement, Proust, à ma connaissance, ne les cite jamais. Mais voici une définition de Macaulay après la publication de ses essais en français, qui sont traduits en français par Guillaume Guizot, professeur au Collège de France d'ailleurs, le fils de Guizot, et auteur d'un livre sur Montaigne. Et voici comment on rend compte de ces essais de Macaulay, qui nous donnent une bonne définition de ce que c'est que l'essai, comment on se le représente dans la jeunesse de Proust. L'essayiste, avec le terme n'est toujours pas traduit, n'a pas son « e » final. L'essayiste se distingue du moraliste, de l'historien, du critique littéraire, du biographe, de l'écrivain politique, et pourtant il emprunte quelques traits à chacun d'eux. Il ressemble tour à tour à l'un et à l'autre. Il est aussi philosophe, il est satirique humoriste. Humoriste, satirique, on l'a vu, comment ça, il faut aller comprendre, ça veut dire avec la bonne humeur, un satirique bienveillant. Satirique humoriste à ses heures, il réunit en sa personne des qualités multiples, il offre dans ses écrits un spécimen de tous les genres. Ceci, c'est dans la Revue Britannique. Et je crois qu'on a une belle série pour comprendre ce que c'est que l'essayiste de cette fin du siècle, hein. Moraliste, historien, critique, biographe, écrivain politique, philosophe, satiriste, humoriste, tout cela tour à tour et tout à la fois. Et Barbé d'Aurevilly rencontre lui aussi des essais de Macaulay. Et lorsqu'il en rencontre, évidemment, c'est plus amusant, mais il distingue très bien le sens du mot en français et en anglais. Voici le compte-rendu de Barbé d'Aurevilly. On sait d'ailleurs que le mot « essai » n'a pas en Angleterre le même sens qu'en France, où un homme qui s'essaye à faire quelque chose et qui, par modestie, appelle la chose qu'il a peut-être manqué un essai, ne se nomme point un essayiste, toujours avec l'orthographe anglaise. En France, un homme qui a manqué son coup ne s'appelle jamais qu'un homme malheureux. Or, l'essayisme anglais, et cette fois-ci, c'est intéressant, l'essayiste est écrit sans le « e », mais l'essayisme anglais, lui, a cet « e » final. Or, l'essayisme anglais n'est pas une infortune, c'est une spécialité et cela peut être une gloire. C'est la plus libre et la plus noble des formes que la critique puisse revêtir. Il consiste à prendre un livre quelconque et à exécuter sur ce livre autant de variations qu'on n'en peut avoir dans l'esprit. Comme un instrumentiste habile, vous voyez qu'il y a toujours cette référence à la musique dans l'essayisme, c'est toujours une variation de type musical. Comme un instrumentiste habile en exécute sur un thème qu'il n'a pas créé. Donc c'est l'improvisation. C'est un genre sinon inventé par les Anglais, car nous avons Diderot qui fut quelquefois à son insu un essayiste, au moins très illustré par les Anglais, et entre eux tous par Lord Macaulay, dont le plus glorieux titre parmi tous ses titres serait d'avoir été le premier essayiste de la première revue du monde, la Revue d'Édimbourg. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, sa série Proust essayiste. Aujourd'hui, fantaisiste, réaliste, essayiste. Autre référence contemporaine, qui est l'essayiste en France ? Eh bien, voici un compte-rendu que je trouve très intéressant, qui nous montre comment on comprend l'essayisme à l'époque de la jeunesse de Proust. C'est un compte-rendu d'un livre qui s'appelle « Essai sur l'époque actuelle » d'Émile Montaigu. Je vous rappelle qui est Émile Montaigu, c'est un rédacteur de la revue des Deux Mondes, et au fond c'est celui qui fait le lien entre Baudelaire et Proust, puisque c'est lui qui a fait accepter les Fleurs du Mal sous le titre des Fleurs du Mal dans la revue des Deux Mondes. Ce qui surprend historiquement que les Fleurs du Mal aient d'abord été publiées dans la revue des Deux Mondes. C'est grâce à Émile Montaigu qui y était sensible. Et voici ce que nous dit ce compte-rendu des essais sur l'époque actuelle de Montaigu. Et c'est là le rôle spécial de Monsieur Montaigu. Il est historien autant que personne, mais il l'est en essayiste et en critique. Le présent seul le provoque à réfléchir sur le passé. Donc un essayiste, c'est quelqu'un qui va du présent vers le passé, par opposition aux historiens qui s'intéressent au passé tel qu'en lui-même. Le point de vue de l'essayiste est toujours celui du présent. Autrement dit, il ne craint pas l'anachronisme, la prédiction du passé, il en prend le risque. C'est le contraire d'un philologue ou d'un antiquaire, l'essayiste. Et ça, c'est une donnée assez fondamentale qu'on retrouvera dans un moment. Deuxième caractéristique, il prend plaisir à s'embarrasser dans un écheveau d'objections qui s'entrecroisent et se chassent les unes les autres, qu'il enroule lui-même autour de lui. En cela, surtout essayiste, le propre de l'essayiste étant de semer beaucoup d'idées sans trop se préoccuper d'en tirer des conclusions exactes que le temps se chargera toujours assez de tirer pour lui. Ce deuxième trait a affaire donc à la complication et la contradiction, l'ambiguïté et le paradoxe, au lieu de la recherche d'une conclusion, d'une leçon univoque. Et puis le troisième trait, ses jugements à grands traits sur l'histoire, M. Montaigu en tempère la gravité en y mêlant sans cesse de sa propre vie et de ses impressions les plus personnelles. Donc à l'intérêt pour l'histoire, eh bien, se mêle les anecdotes, les récits. Comme Thibaudet parlait du romancement chez Montaigne. Et c'est là encore un privilège de l'essayiste dont l'historien ne saurait user directement sans courir le risque d'être bizarre. Vous voyez qu'il me semble que là, on a une très bonne définition de l'essayisme appliquée à Émile Montaigu, qui, comme je vous le disais, fait parfaitement la liaison entre Baudelaire et Proust. Émile Montaigu est, par ailleurs, lui aussi un angliciste. C'est le traducteur de Shakespeare. C'est dans sa traduction que Proust a lu Shakespeare. Et lorsque Proust cite Shakespeare, par exemple l'épigraphe « Des plaisirs et les jours » de Hamlet, c'est la traduction de Montaigu. Et puis surtout, pourquoi Montaigu est important pour Proust ? C'est parce qu'il est le traducteur d'Emerson. Et Proust a lu Emerson, qui est vraiment alors le modèle de l'essayisme proustien. Emerson a été traduit par Montaigu, les essais de philosophie américaine. Il est le premier qui ait parlé d'Emerson dans la revue des Deux Mondes dès 1847. C'est comme ça que Baudelaire s'intéresse à Emerson avant Proust. Il est le traducteur des essais de philosophie américaine d'Emerson, publié en 1851, avec une longue introduction qui contient de nombreuses références à Montaigne et à l'essai. Et puisque j'évoquais les épigraphes des plaisirs et les jours, on trouve dans Les plaisirs et les jours trois épigraphes qui proviennent des essais de philosophie américaine d'Emerson, traduit par Montaigu. C'est un ouvrage dont Proust est très familier. Autrement dit, dans Les plaisirs et les jours, il y a quatre épigraphes de Shakespeare et d'Emerson traduites par Montaigu. Montaigu nous conduit donc à, me semble-t-il, un après Nerval, un modèle qui est vraiment éminent de l'essayiste pour Proust. C'est donc Emerson qu'il lisait, dit-il, avec ivresse en 1895, l'époque de Jean Santeuil. C'est dans une lettre à Reynaldo Hahn, où il emploie ce mot d'ivresse, du 18 janvier 1895, et il le lit donc dans cette traduction de Montaigu, des essais de philosophie américaine. Ce jour-là, il se rend à la soutenance de thèse, l'après-midi, Proust va assister à une soutenance de thèse à la Sorbonne, c'est la soutenance de thèse de Jean Isoulé, qui a été professeur au lycée Condorcet. Et c'est pour ça qu'il se rend à la soutenance. C'est une thèse sur la métaphysique de la sociologie, la cité sainte, dit-il. Et c'est Isoulé qui sera professeur au Collège de France. C'est celui qui sera élu contre Durkheim quelques années plus tard, hein, et qui restera très longtemps. Il est, eh bien, lui aussi le traducteur d'Emerson. C'est lui qui a traduit les Representative Men d'Emerson sous le titre Nietzschéen de surhumain. Et on voit une autre référence ici dans l'essayisme proustien qui est Nietzsche. Les surhumains traduit en 1895 et que Proust connaît aussi, hein, ces Representative Men d'Emerson qui sont six portraits d'hommes représentatifs ou de surhommes, dont Montaigne et Shakespeare, parmi les six. Alors bien sûr, Emerson est une présence très durable chez Proust, qui lui sera toujours fidèle. Les essais d'Emerson sont cités dans Jean Santeuil, auprès du Rouge et le Noir, comme un ami avec qui on aurait envie de converser. Et autre citation d'Emerson que je citais il y a quelques cours et qui est jolie, c'est dans une lettre à Montesquieu de 96. C'est le moment où Proust s'intéresse vraiment à Emerson. Comme dit très bien Emerson, les gardiens de musées ne sont pas des êtres plus élevés et purifiés que d'autres. Proust est donc très sensible à Emerson dans ces années-là, et c'est notamment chez Emerson qu'il découvre, dans ses essais de philosophie américaine, tous les propos hostiles à l'amitié et en faveur de la solitude. C'est chez Emerson qu'il y a tout ce discours contre l'amitié et contre la mondanité, l'amitié comme perte de temps. Dans une lettre de 1903 à la princesse Alexandre de Caraman-Chimay, bon, c'est la sœur aînée d'Anna de Noailles, et c'est elle qui sera justement la dédicataire de la préface de Sésame et Lélis sur la lecture. Il lui recommande la lecture du Montaigne d'Emerson, traduit par Isoulé. Il lui dit « la traduction est très mauvaise ». Il s'en rend compte. Et il ajoute « ce n'est pas plus long qu'un article du Figaro et beaucoup moins fatigant ». Il faut donc lire Emerson, et Emerson reste important jusqu'au jour de la mort de Proust. C'est chez Emerson que Proust a lu cette phrase qu'il répète souvent. Il paraît qu'Emerson disait qu'il fallait éviter la société des mourants car rien n'est plus frivole. Et voilà la phrase d'Emerson. « As far as I had observed, they, the sick and dying, were as frivolous as the rest, and sometimes much more frivolous. » C'est dans The Conduct of Life, ils étaient aussi frivoles et quelquefois plus frivoles encore. Comme on le sait, c'est une pensée qui figure dans l'un des ultimes bouts de papier que Proust dicte à Céleste dans la dernière nuit de sa vie, en novembre 1922, c'est pour un ajout à la mort de Bergotte sur ce qu'il appelle l'incroyable frivolité des mourants, qu'il aurait voulu ajouter à la mort de Bergotte. Emerson est donc très très présent et c'est l'un des prototypes capitaux de l'essayiste. On trouverait encore chez lui, j'ai évoqué le thème de l'amitié auquel je reviendrai parce qu'il est essentiel, on trouverait également le thème du rayon de soleil. Ce rayon de soleil qui est si présent dans le début du Contre-Sainte-Beuve, le rayon de soleil sur le balcon, dans la matinée du Contre-Sainte-Beuve, et ce thème qui revient, il est attaché à Emerson, qu'il cite à différentes reprises, « Un rayon de soleil, dit Emerson du solitaire, suffit à l'enivrer. » Et qu'on retrouve l'ivresse. L'ivresse du rayon de soleil pour Emerson, l'ivresse d'Emerson pour Proust. Proust revient très souvent à cette idée du rayon de soleil qui enivre et qui vient d'Emerson. En 1913, Proust polémique avec Jacques Copeau à la suite d'une note de la NRF qui prétendait que la correspondance entre Emerson et Carlyle resterait leur chef-d'œuvre. C'est une note de la NRF et Proust écrit à Copeau « Qu'un Sainte-Beuve dise de ces choses d'un écrivain tout de facilité et de verve, passe encore, quoi qu'il y ait erreur fondamentale. Mais dire cela d'Emerson, que ce qui en restera, c'est sa correspondance avec Carlyle. » Vous voyez que Emerson est sans doute, après Nerval, le second modèle important de l'essayisme pour Proust, et je dirais plus important que Ruskin dans cette genèse de l'essayisme proustien. On pourrait convoquer d'autres noms. Il faudrait un développement que je n'ai pas le temps de faire sur Maeterlinck, très présent dans cette écriture essayistique. Peut-être qu'il faudrait aussi parler de Bergson. Mais je voudrais terminer en parlant d'Hippolyte Taine. Parce qu'Hippolyte Taine est, par excellence, dans la jeunesse de Proust, le modèle de l'essayiste, Hippolyte Taine qui meurt en 1893. N'oublions pas qu'Hippolyte Taine est l'auteur d'une histoire de la littérature anglaise. Il est l'auteur d'essais de critique et d'histoire. C'est comme ça que Taine intitule son œuvre critique, Essais de critique et d'histoire. C'est le titre de Macaulay. Et le premier chapitre des essais de critique et d'histoire de Taine porte sur Macaulay. Et vous vous souvenez que Proust, se lançant dans le Contre-Sainte-Beuve, hésitant sur la forme, évoquait ce qu'il appelait l'essai classique, c'était dans la lettre à Anna de Noailles, l'essai de Taine en moins bien. C'est donc bien Taine qui est le modèle, et Taine, c'est un auteur d'histoire, de philosophie, d'histoire littéraire, de voyage, de critique, et aussi de roman. Il est le modèle et il est l'ennemi de la philologie et de l'érudition. On connaît bien son attaque contre Victor Cousin en 1857. 1857, Taine est encore un jeune homme, c'est un nouveau philosophe, et il a la même audace que les nouveaux philosophes lorsqu'il écrit de Victor Cousin, qui est juste à l'âge de la retraite. Monsieur Cousin s'est enfoncé dans l'érudition, dans la philologie, dans la bibliomanie, dans les goûts d'antiquaire, et il y est resté. Et l'essayisme opposé à cette bibliomanie et à cet antiquariat. Au moment où Proust se lance dans le Contre-Sainte-Beuve, 1908-1909, n'oublions pas que l'actualité, nous l'avons vu, elle porte sur Sainte-Beuve. Entre le centenaire de 1904 et toutes les publications qui suivent, mais elle porte davantage encore sur Taine. Taine est tout à fait actuel au moment où Proust se met au travail. La correspondance de Taine est publiée en 4 volumes entre 1902 et 1907 chez Hachette, publication qui s'achève donc en 1907. Et Victor Giraud publie un article le 1er février 1908 dans la Revue des Deux Mondes, où voici, c'est un compte-rendu de cette correspondance de Taine, des quatre volumes qui vient de s'achever, où il dit ceci de Taine: écarté de l'enseignement officiel, rendu à sa vie d'étudiant et forcé pour vivre de faire œuvre et métier d'écrivain plutôt que de philosophe, Taine s'improvise essayiste, voyageur, esthéticien critique et historien littéraire. Vous voyez que tout ça, et ce sont les rôles qui... Vous voyez qu'on revient à Nerval qui incarnait tous ces rôles, ce Nerval polygraphe selon Champfleury, et Taine n'aurait pas eu le choix. Il est essayiste parce qu'il doit vivre de sa plume. Taine, jeune normalien, a échoué à l'agrégation de philosophie en 1851, et malheureusement pour lui, en 1852, elle a été supprimée. Et donc, faute d'agrégation, faute de déboucher dans la carrière rectiligne de Guizot, de Cousin ou de Villemain, eh bien, il est condamné à écrire dans tous les genres pour vivre. Et il est toujours pris dans cette tension entre son esprit scientifique et son imagination artistique. Après la correspondance, publiée jusqu'en 1907, eh bien, on publie aussitôt après Étienne Mérand, l'embryon de roman stendhalien de Taine, qui est publié dans la Revue des Deux Mondes le 15 mars et le 1er avril 1909, avec une préface de Paul Bourget. Et c'est un texte qui a été lu par Proust dans la Revue des Deux Mondes du 15 mars 1909. Et vous vous souvenez que le Contre Sainte-Beuve commence par la référence à l'essai de Taine et l'article de Bourget sur Sainte-Beuve. Et voici ce qu'on lit dans cette préface de Paul Bourget. C'est le début de la préface. Les pages qu'on va lire sont le début d'un roman que M. Taine entreprit de composer aux environs de 1861. Il avait alors un peu plus de 30 ans. Le troisième volume de sa correspondance nous apporte, cette correspondance qui vient d'être publiée, nous apporte un curieux document sur la crise intellectuelle qu'il traversait à cette époque. Ce sont quelques notes personnelles datées d'octobre 1862. Monsieur Taine s'y demande, avec une évidente anxiété, s'il ne fait pas fausse route depuis des années. Ne s'est-il pas trompé en s'appliquant dans ses essais à concilier deux tendances contradictoires, celle du philosophe qui aligne des idées par fil, celle de l'artiste amoureux des sensations véhémentes, des mots et des images. Ça, c'est le dilemme de Proust en 1908. Et résumant sa propre œuvre avec la lucidité supérieure d'un beau génie critique qui se considère lui-même comme s'il était un autre, mon idée fondamentale a été qu'il faut reproduire l'émotion, la passion particulière à l'homme qu'on décrit, et de plus, poser un à un tous les degrés de la génération logique. Bref, le peindre à la façon des artistes et en même temps le reconstruire à la façon des raisonneurs. En quelques lignes, voilà formulée l'antinomie à laquelle se sont heurtées toutes les intelligences qui ont possédé, dans des proportions presque égales, le don de la vision et le don de l'analyse. Dilemme de Taine, essayiste voulant être romancier, bon, c'est le drame de l'écrivain moderne. Et Bourget songe manifestement aussi à lui-même, auteur des essais de psychologie contemporaine. C'est comme ça qu'il a commencé. Et après cet incipit, pour caractériser ces écrivains qui ne savent pas se placer entre essais philosophiques et romans, qui c'est-il ? Balzac, Stendhal et Sainte-Beuve. On retrouve cette trilogie. Ce Balzac dont Faguet disait qu'il faisait des dissertations, ce Stendhal tellement marqué par l'essayisme anglais, et puis Sainte-Beuve qui a commencé par Joseph Delorme et Volupté avant de passer au portrait. Ils ont cherché à concilier cette imagination artistique et cet esprit scientifique. Ils sont attaqués parce qu'ils donnent des explications. Et Bourget dit que cette conciliation, on ne parle pas encore des deux cultures, hein, c'est les « two cultures » de C.P. Snow, hein, culture scientifique et culture littéraire, Bourget dit que ça donne le sentiment que les deux cultures, leur conciliation est impossible. Et il poursuit en disant « Faut-il étendre cette doctrine à ces véritables espèces intellectuelles que sont les genres littéraires et plus généralement encore les arts ? C'est le sentiment irraisonné du public, et la plupart des esthéticiens pensent comme lui, cette distinction irréductible entre les diverses races de talents est affirmée sans cesse dans les revues et les journaux à l'occasion de chaque nouvelle tentative faite par un écrivain déjà classé pour élargir et changer sa manière. Celui-ci excelle dans la prose, il ne doit pas composer de vers. C'est la situation de Nerval et Baudelaire, à laquelle Proust est si sensible. Peut-on exceller à la fois dans la prose et le vers? Nerval et Baudelaire se trompent-ils? Celui-là est un essayiste, il ne doit pas écrire de roman. Cet autre est un romancier qui n'aborde pas l'art dramatique. Les théories sont les théories et les faits sont les faits. En fait, certains ouvrages et certains talents, ceux par exemple que j'ai cités plus haut, c'est-à-dire Balzac, Stendhal ou Sainte-Beuve, constituent bien un des types mixtes et qui déroutent la classification. Alors le texte de Taine qui est le plus déroutant, ce n'est sans doute pas Étienne Méran, ce roman inachevé, ce sont les notes sur Paris, vie et opinion de Frédéric Thomas Grindorge, dont on ne sait pas si c'est un roman ou un essai. Voilà le livre indécis par excellence. Et en tout cas, c'est un livre d'humoriste. On retrouve cette caractéristique de l'humorisme, le Taine essayiste, c'est le Taine de Grindorge, c'est le Taine dont on ne sait pas décider dans quel genre il écrit. D'où, je crois, cette question qu'il faut poser. Est-ce vraiment par une coïncidence que Proust cite justement Taine et Bourget à l'origine de ce Contre Sainte-Beuve, qui est lui aussi traité d'essayiste, passé de la poésie et du roman à la critique. Tout cela au moment où Proust se demande « Suis-je romancier ?» Je terminerai par une des notes paradoxales de Sésame et Lélis. Cette note, ça fait partie des notes où Proust contredit Raskin. Et il s'oppose ici à la conception de la lecture édifiante et moralisatrice de Raskin, en prenant l'exemple de Raskin, de Stuart Mill dans ses mémoires. Voici le passage dans Sésame et Lélis. Savez-vous, si vous lisez ceci, que vous ne pouvez pas lire cela, que ce que vous laissez échapper aujourd'hui, vous ne pourrez le retrouver demain. Autrement dit, il faut avoir de bonnes lectures édifiantes aujourd'hui, bien choisir ce qu'on lit parce que on ne pourra pas réparer demain. Et Proust donne une note où il contredit cet aspect des choses en évoquant à cette manière de concevoir la vie, on peut opposer le bel essai de Taine où il montre que ce sont les heures de flânerie qui sont les plus fécondes pour l'esprit. Alors, quel bel essai de Taine Proust a-t-il à l'esprit, ce bel essai sur la flânerie? Ben, il s'agit d'un article sur Jefferson dans les nouveaux essais de critique et d'histoire. C'est un article que Proust connaît bien, puisque c'est celui qui vient exactement après le chapitre sur Balzac. Et c'est la première page où on trouve cet éloge de la vie de l'intellectuel, de la vie du lettré, comme d'une vie de flânerie. La nôtre, au fond. Il faut flâner pour trouver. Très belle page de Taine. Vous n'oubliez pas, se tiennent hostiles à la philologie, hostiles à l'antiquariat. On n'est point maître d'un document pour l'avoir feuilleté, ni même pour l'avoir lu, l'avoir comparé à d'autres, se l'être rendu familier, y avoir réfléchi hors de son cabinet, en promenade, en voiture. Les idées ne nous viennent pas à l'heure dite, on ne juge pas d'une époque au pied levé, on ne ressuscite pas à volonté dans son imagination et dans son esprit la figure d'un homme. Il faut attendre, laisser faire le temps, l'occasion, le hasard. Souvent, c'est un accident de la vie journalière, une observation domestique, une lecture de journal qui achève en nous une idée qu'après beaucoup d'efforts, nous avions laissée incomplète. C'est la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est à la mode, la sérendipité. C'est la sérendipité du chercheur. On trouve par hasard, en flânant, on cherche quelque chose et on trouve autre chose. C'est ça, être un bon chercheur. Savoir qu'on a trouvé autre chose que ce qu'on cherchait. C'est ça qu'est dit Taine. Les idées d'un homme réfléchi ont leurs racines et leurs attaches dans toute sa vie spéculative et pratique, dans son moi profond, comme dirait Proust, dans tout son présent et dans tout son passé. Concluez hardiment qu'un écrivain ou un artiste, même lorsqu'il rêvasse dans un fauteuil ou qu'il flâne sur le boulevard, se donne autant de mal qu'un autre, et que les 300 ou 400 pages barbouillées d'encre auxquelles de loin en loin aboutit son effort contiennent autant de travail que les rapports d'un secrétaire de préfecture, les écritures d'un caissier ou les requêtes d'un avoué. C'est un passage que connaît bien Proust. On se souvient de la page dont j'ai pas le temps de parler dans Sodome et Gomorre, où il fait l'éloge de la flânerie et où il condamne les hommes occupés qui ne comprennent pas qu'il faut flâner pour trouver. Le bel essai de Taine sur la flânerie de l'essayiste développe à la fois une éthique de l'existence et une méthode de l'essayisme. Et on comprend que Proust ait donc été sensible à ce défi de Taine, analysé par Bourget, au moment même où il est en train d'entreprendre le Contre Sainte-Beuve et où le récit de flânerie submerge, engloutit l'essai critique. C'est ce qui se produit au début du Contre Sainte-Beuve et c'est donc un moment que nous pourrions qualifier de sérendipité dans cette mode contemporaine. C'est en flânant qu'on trouve, et voici le bel essai de Taine qui nous le prouve. Voilà ce que c'est que l'essayisme au moment de 1908 ou de 1909 où Proust se met à écrire. Et Musil, c'est très intéressant, cite exactement les mêmes références, à savoir Taine, Maeterlinck, Emerson et Nietzsche. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, sa série Proust, essayiste. Aujourd'hui, fantaisiste, réaliste, essayiste. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours. Antoine Compagnon a publié Proust entre deux siècles au Seuil en 2013. Réalisation Anne de Pelchin, présentation et coordination Meryl Moneghetti. Demain, Antoine Compagnon nous présentera le prototype de l'essayisme proustien, le texte intitulé « Sur la lecture ». Et dans quelques instants, nous plongeons dans une vie, une œuvre. Très belle journée à l'écoute de France Culture.